María. Tu estiva kembali und die Fabel du Kopf vorschiebe. Donde moi, donde papa moi. Cochez-vous, dis-moi bon, pas si coupon bon pour. Dis-moi le papa, papa. Vous choupoumez. Mon roi, vous choupoumez. Capapalité. Michel, mon palé, pas comme. Pouchi, pouchi, pouchi. Puis voir si papa. Comme elle est beau. Si papa, papa. Stinky, I said the alphabet. Maria, Maria.